L'actualité à Nancy et ailleurs. Les GEC Lorrain ont lancé un parcours d'accompagnement pour les jeunes bénéficiaires du RSA sur le Grand Nancy. Cindy Bonnat, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet donc pour les GEC Lorrain et ce dispositif alors, qui s'appelle le Flash Mob, hein, c'est ça? Tout à fait. Et qui peut débuter dès maintenant et ça va aller jusqu'au mois de juin. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors c'est un dispositif expérimental hein, qui est initié par le département de la Meurthe-et-Moselle et plus particulièrement par le service insertion du département de la Meurthe-et-Moselle qui a la compétence des allocataires du RSA. Et l'objectif en fait de ce parcours de 4 mois, c'est de sortir de l'isolement. C'est-à-dire que des personnes, des jeunes hein, entre 18 et 30 ans qui seraient allocataires du RSA et qui se sentiraient peut-être un petit peu isolés, qui auraient besoin de se raccrocher à un collectif, eh bien ce dispositif est fait pour eux. Voilà, donc c'est nouveau, hein, c'est la première fois que c'est lancé ce dispositif. Tout à fait, c'est la toute première fois et puis si ça fonctionne, eh bien il y aura d'autres fois qui suivront. Exactement, on peut le souhaiter en tout cas. Vous représentez les GEC Lorrain, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle? Alors les GEC, c'est Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Pourquoi le conseil départemental a fait appel à vous? C'est ça. Alors en fait, on a répondu à un appel d'offres du conseil départemental qui souhaitait mettre en place un dispositif d'accompagnement un petit peu innovant qui sort finalement de l'injonction au projet professionnel et qui permette de découvrir autrement le secteur du Grand Nancy. Donc en fait, on s'est effectivement associé entre GEC, hein, puisque en Lorraine, il existe 4 GEC, le GEC Indus Interpro dont je fais partie, le GEC BTP et puis le GEC Propreté. Et nous, notre rôle au quotidien, c'est de mettre en relation des demandeurs d'emploi avec des entreprises et de les faire se rencontrer par le biais de parcours en alternance. Et puis, on accompagne en fait les salariés qu'on met à disposition et on a donc répondu à cet appel d'offres pour montrer que les GEC savent faire de l'accompagnement et savent le faire aussi de manière différente. Voilà, donc c'est tout naturellement vers vous qu'on s'est dirigé. Et pour ce dispositif donc innovant, c'est tout nouveau, il va y avoir une réunion hein, ce jeudi 20 janvier, ce sera un point de départ pour ce dispositif et il reste encore de la place. Expliquez-nous un peu comment ça va se passer sur la durée, sur ces 6 mois. Vous allez donc faire découvrir différents secteurs d'activité représentés dans les GEC Lorrain. Effectivement, alors c'est pas l'objectif premier, mais en tout cas c'est une partie de ce dispositif de faire aussi découvrir les GEC et les métiers pour lesquels les GEC recrutent, de faire découvrir l'alternance, mais avant tout c'est vraiment de découvrir aussi tout ce qui existe en termes de mobilité, de loisirs, de culture, de sport sur le secteur du Grand Nancy. Et ça va se découper comment? C'est une journée par semaine, je crois, c'est ça? Alors, on est sur une journée ou 2 demi-journées par semaine, selon les semaines du planning qui est établi. Mm-hmm. Donc, c'est pas très engageant, on va dire, puisqu'une demi-journée ou une journée par semaine, on se réunit donc en collectif. Alors, il va y avoir des sessions de regroupement collectif dans un local qui nous est mis à disposition par nos collègues du GEC BTP à Nancy. Donc, avec des temps d'échange et de réflexion. Et puis surtout, il va y avoir beaucoup de déplacements à l'extérieur, donc à la rencontre de partenaires du milieu culturel et associatif, puisqu'on parlera aussi, dans le cadre de ce dispositif, d'engagement et de citoyenneté. Voilà, et on s'engage à quoi? Donc si on se lance dans ce parcours, s'il y a une personne qui nous écoute, qui est bénéficiaire du RSA, qui est un peu isolée et qui trouverait là l'occasion de sortir de cet isolement, à quoi elle va s'engager? Eh ben, elle s'engage à faire partie d'un collectif, à peut-être ouvrir le champ des possibles, à se sentir moins isolé et surtout à se rendre compte que des possibilités existent en fait. Le problème, c'est, et certaines personnes nous l'ont notifié lors de la première réunion d'information collective, c'est qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de dispositifs et qu'on peut être perdu, notamment dans ces démarches administratives aussi liées à l'emploi, à la formation, à tout un tas de sujets. Et donc, l'idée, c'est aussi de découvrir que les choses peuvent être plus simples que ça. Donc, elle s'engage à faire partie d'un collectif et à tout moment, si elle trouve un emploi, si elle a un projet qui se dessine en cours de route, bah, elle sera bien sûr libre d'aller vers de nouveaux horizons. Voilà, ce dispositif va permettre de faire tomber des barrières qu'on a tendance parfois à se mettre. Plus on est isolé, plus on se trouve des barrières et infranchissables, alors que non. Exactement. ans et on a souhaité vraiment faire quelque chose d'un petit peu différent et on aura notamment l'intervention d'une art-thérapeute. Donc, on va pouvoir travailler notamment sur des sujets de l'estime de soi aussi, par des biais un petit peu différents. Donc, ça va permettre aux participants de découvrir aussi peut-être des choses qu'ils ne connaissent pas et auxquelles ils vont peut-être pouvoir adhérer également. Alors, il y a une réunion ce jeudi 20 janvier, c'est à 14h. Pour y participer, comment on fait ? Alors, pour y participer, il suffit de me contacter. Il est tout à fait possible de me contacter par téléphone sur mon téléphone portable pour avoir toutes les informations et la réunion va se dérouler dans les locaux du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Voilà, donc on peut donner votre numéro de téléphone tout de suite ? Tout à fait. Alors, je suis joignable au 06 43 42 38 34, 06 43 42 38 34. Un numéro de téléphone, bien sûr, qu'on trouvera en même temps que cette interview sur le site de la radio, fadjet.net. Et si, par hasard, on ne peut pas forcément se rendre parce que le délai est peut-être un peu court à cette réunion, est-ce qu'il y a une session de rattrapage, d'autres réunions prévues ? Alors, le dispositif va commencer dès la semaine prochaine, donc il sera toujours possible d'intégrer le groupe avec une quinzaine de jours de décalage. Pas plus, parce qu'une fois que le collectif est déjà soudé, c'est aussi plus difficile de l'intégrer et on ne souhaite pas confronter des personnes à une difficulté d'intégration. Hein, donc c'est pour ça qu'on souhaite vraiment démarrer dans les 15 jours. Mais si des personnes s'avéraient intéressées au-delà de ce délai-là, on pourrait tout à fait remettre en place un deuxième groupe dans les prochaines semaines. Voilà, donc on n'hésite pas, même si par hasard ce jeudi c'est pas possible, de vous contacter donc par téléphone au 06 43 42 38 34 pour en savoir plus. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Cindy Bonnat. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.